Chapitre 11e. Tel fut le sort de Miss Melville. Jamais peut-être la tyrannie ne donna une preuve plus déchirante et plus forte de l'horreur qu'elle doit inspirer. Il n'y eut pas un seul témoin de cette scène douloureuse qui put s'empêcher de regarder M. Tyrrell comme le plus détestable méchant qui eût jamais déshonoré l'espèce humaine. Cet acte de cruauté inouïe, qui fut bientôt connu dans toute la prison qui en avait été le théâtre, excita un étonnement et une indignation générale parmi les habitués mêmes de ce lieu d'oppression. S'il produisit cet effet sur des hommes accoutumés à servir d'instrument à l'injustice, qu'on juge comme il affecta à M. Falkland, qui avait consacré toute sa vie à nourrir dans son âme le sentiment le plus vif du bien et du mal moral. Dans de pareilles circonstances, il n'était plus maître d'asseoir ses idées et de prendre une résolution ferme et convenable. Une trame aussi compliquée de noirceur et de perversité le jeta dans des transports qui tenaient de la fureur et de la démence. Il ne pouvait pas en concevoir l'idée sans éprouver des frémissements d'horreur et de dégoût. L'agonie d'un malheureux brisé sur la roue n'a peut-être rien au-delà du supplice qu'endura M. Falkland dans cette circonstance. Il se trouva donc pendant quelque temps privé de la présence d'esprit nécessaire pour agir avec prudence. Il fallut le garder comme un furieux. Ce fut sur le docteur Wilson que reposa tout le soin de voir et de décider ce qu'il y avait de mieux à faire dans la conjoncture présente. Le docteur était un homme froid et méthodique. Une des premières idées qui se présenta à son esprit, ce fut que Miss Melville était de la famille Tyrrell. Il ne doutait pas que M. Falkland ne fût très disposé à acquitter toutes les dépenses qu'exigeaient les tristes restes de cette malheureuse victime. Mais il pensa que les lois de l'usage et de la décence ne permettaient pas de laisser passer un tel événement sans en donner connaissance au chef de la famille. Peut-être aussi le soin de ses propres intérêts, comme médecin, contribua-t-il pour quelque chose à la répugnance qu'il sentait à aller s'exposer au ressentiment d'une personne aussi considérée dans le pays que M. Tyrrell. Cette faiblesse n'empêchait pas qu'il ne fût susceptible des sentiments communs à tous les hommes, et lui en aurait extrêmement coûté pour se charger du message. D'ailleurs, il ne croyait pas à propos, dans la circonstance actuelle, de laisser M. Falkland à lui-même. Le docteur Wilson n'eut pas plus tôt laissé entrevoir ses idées à ce sujet qu'elles parurent faire une impression soudaine sur Mme Hammond, qui demanda avec empressement qu'on lui permît de porter elle-même la nouvelle. On ne s'attendait pas à cette proposition, mais le docteur ne se fit pas beaucoup presser pour y donner son assentiment. Mme Hammond était résolue, disait-elle, de voir par elle-même quelle sorte d'impression cette funeste catastrophe ferait sur celui qui en était l'auteur, et elle promit de se comporter avec modération et honnêteté. Son voyage fut bientôt fait. « Je suis venu, monsieur, » dit-elle à M. Tyrrell, « vous faire part que votre cousine Miss Melville est morte cet après-midi. »« Morte ?»« Oui, monsieur. » « Je l'ai vue mourir. Elle est morte dans mes bras. »« Morte ? Qu'est-ce qui l'a tuée ? Que voulez-vous dire ?»« Qui est-ce qui l'a tuée ? Est-ce à vous à le demander ? C'est votre méchanceté et votre barbarie qui l'ont tuée. »« Moi ? Bah, allons, elle n'est pas morte. Cela ne se peut pas. Il n'y a pas 8 jours qu'elle a quitté cette maison. »« Vous ne voulez pas me croire. Je vous dis qu'elle est morte. »« Madame, madame, prenez garde à ce que vous dites. Ce n'est pas ici matière à plaisanter. »« Oui ? Quoiqu'elle ait mal agi avec moi, je ne voudrais pas pour tout au monde la croire morte. » Madame Hammond répondit par un signe de tête affirmatif. « Non, non, je ne le crois pas. Je ne le croirai jamais, non, non, jamais. Voulez-vous venir avec moi et vous en convaincre par vos propres yeux? C'est un spectacle digne de vous. Il y a là de quoi repaître un cœur tel que le vôtre. » En disant ceci, Madame Hammond lui tendait la main comme pour le conduire. M. Tyrrell recula. « Mais si elle est morte, est-ce ma faute? Puis-je répondre de tous les malheurs qui arrivent dans le monde? Qu'êtes-vous venu faire ici? À quel propos venez-vous m'annoncer cette nouvelle? À qui dois-je l'annoncer, si ce n'est à son parent et à son meurtrier? Son meurtrier? Ai-je mis la main sur elle? Lui ai-je porté des coups de couteau ou de pistolet? Lui ai-je donné du poison? Je n'ai rien fait que ce qui est autorisé par la loi. Si elle est morte, personne ne peut rien me reprocher. » « Vous rien reprocher, tout le monde vous maudit et vous abhorre. Parce que les hommes portent quelquefois du respect au rang et à la richesse, seriez-vous assez insensé pour croire qu'un forfait comme le vôtre y trouvera une excuse? Ne vous l'imaginez pas, on rirait de votre folie. Le dernier mendiant des rues va vous mépriser comme la boue. Ah, vous avez raison de rester interdit et confondu de ce que vous avez fait. Je publierai votre infamie au monde entier, et il n'existera pas une seule créature humaine dont vous osiez soutenir les regards. « Madame, madame, » reprit M. Tyrrel, accablé d'humiliation, « ne me parlez pas sur ce ton-là, s'il vous plaît. Mon amie n'est pas morte, j'en suis sûr, j'espère. Non, elle n'est pas morte. Avouez-moi seulement que vous m'avez voulu tromper, et je vous pardonne tout. Je lui pardonne, et j'oublie tout. Je l'aimerai plus que jamais. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je ne lui ferai jamais de mal, jamais. Je vous dis, monsieur, qu'elle est morte. Vous avez tué la plus douce, la plus aimable créature qu'il eût au monde. Pouvez-vous lui redonner la vie comme vous avez pu la lui ôter? Ah, si vous en aviez le pouvoir, comme vous me verriez à vos genoux, comme je resterais à vos pieds jusqu'à ce que vous me l'ayez rendue. Qu'avez-vous fait? Malheureux, vous êtes-vous cru le maître de faire et de défaire à votre gré, de changer les lois de la nature comme il vous plaît? » Les reproches de Madame Hammond furent pour M. Tyrrel le premier trait de la coupe d'amertume que la vengeance céleste lui avait réservée. Ce fut là le commencement d'une longue suite de mépris, d'insultes et d'exécrations qu'il était destiné à endurer. Les paroles de Madame Hammond furent prophétiques. Il fut aisé de voir que si la fortune et la naissance servent de voile pour couvrir beaucoup de crimes, il en est pourtant qui appelle à si haute voix l'indignation générale que, semblable à la mort, ils mettent au niveau toutes les distinctions et réduisent le criminel à l'égal du dernier de ses semblables. M. Tyrrel ne fut plus vu que comme le lâche et tyrannique meurtrier d'Emily. Ceux qui n'osaient risquer d'exprimer tout haut leurs sentiments contre lui n'en étaient que plus profondément pénétrés et le maudissaient en murmurant, tandis que le reste jetait un cri général d'horreur et d'exécration. Lui-même fut frappé d'étonnement de la nouveauté de sa situation. Accoutumé à voir tous les hommes tremblants et soumis, il s'était imaginé que son empire ne devait pas avoir de fin, et que tous les excès possibles de sa part n'auraient jamais la force de briser le charme. Maintenant il regardait autour de lui, et voyait peinte sur chaque visage l'horreur qu'il inspirait, prête à éclater comme un flot impétueux à la moindre provocation, et à briser toutes les barrières de la crainte et de la subordination. Toute sa fortune n'eût pu lui suffire pour acheter quelques témoignages de civilité de ses voisins, des paysans même des environs, à peine de ses propres domestiques. Enveloppé de l'indignation générale, il semblait pressé de toutes parts par une furie qu'il ne pouvait éviter, et l'aiguillon cuisant du remords ne lui laissait pas un moment de paix. Le pays qu'il habitait devenait de plus en plus insupportable pour lui, et il était évident qu'il serait à la fin obligé de l'abandonner. Le dernier trait de noirceur de M. Tyrrel avait rappelé le souvenir de tous ses autres excès, et le jugement qu'on portait sur lui se composait d'une longue liste de vexations et d'injustices passées, qui venaient tout à la fois retomber sur sa tête. On eût dit que le ressentiment public avait longtemps recueilli tous ces matériaux en silence, pour fondre à la fin sur le tyran avec plus de poids et de violence. Un châtiment aussi terrible ne pouvait guère tomber sur personne moins capable de le supporter. Quoique M. Tyrrel n'eût pas ce sentiment intérieur d'innocence qui nous fait reculer d'effroi devant la haine et l'indignation de nos semblables, comme devant un monstre étranger à notre nature, cependant la trempe despotique de son âme et l'habitude constante de voir tout plier devant lui l'avait disposé à ne sentir qu'avec des émotions extraordinaires de courroux et d'impatience l'anathème universel et public auquel il était condamné. Que lui, qui d'un seul clin d'œil rendait tout le monde muet et immobile, lui, que personne n'eût osé aborder dans les accès de sa colère, se vit actuellement traité par tout avec un mépris marqué et accablé de reproches qu'on ne prenait même pas la peine de déguiser ou d'adoucir, c'était une chose dont il lui était impossible de soutenir la pensée. À chaque instant, les traits de l'exécration générale venaient l'assaillir, et à chaque coup il tressaillait de douleur et de rage. Il était dans le délire de la fureur, Il repoussait chaque trait avec la férocité d'un tigre animé par ses propres blessures. Mais plus il se débattait avec violence, plus sa situation devenait désespérée. Enfin, il se détermina à recueillir toutes ses forces pour un effort décisif et d'affronter d'un seul choc tous les coups de la tempête. Cette détermination prise, il résolut de se remontrer sans délai au lieu d'assemblée dont j'ai déjà parlé. Il s'était écoulé un mois depuis la mort de Miss Melville. Il y avait une semaine que M. Falkland était parti pour un voyage assez éloigné, et on ne l'attendait pas avant une autre semaine. M. Tyrell ne laissa pas échapper une occasion aussi favorable, dans la confiance que s'il pouvait une fois reprendre pied dans cette société, il lui serait facile de se maintenir, même en face de son plus formidable ennemi, sur le terrain qu'il avait regagné. Non que ce fût dans M. Tyrell manque de courage, mais le moment présent formait dans sa vie une époque trop importante pour la compromettre par aucun risque possible à éviter. À son entrée, il se fit un bruit général dans l'assemblée, car il avait été convenu entre tous les hommes qui la composaient qu'on refuserait la porte à M. Tyrell comme à quelqu'un qu'on ne pouvait plus voir. Cette décision lui avait été notifiée par une lettre du maître des cérémonies. Mais avec un homme de la trempe de M. Tyrell, un pareil avis était plutôt un défi qu'une exclusion. Le maître des cérémonies, qui avait aperçu son équipage, vint au-devant de lui à la porte de l'assemblée pour lui réitérer l'avertissement, mais M. Tyrell le poussa de côté de l'air du plus grand mépris et entra d'autorité. Tous les yeux se tournèrent sur lui. Il fut en un moment entouré de tous les hommes qui étaient dans la salle. Les uns tâchèrent de le repousser dehors, d'autres voulurent entrer en explication, mais il trouva le secret de se débarrasser des uns et de réduire les autres au silence. Sa forme athlétique, la supériorité bien connue de son esprit et cette longue habitude qu'on avait eue de se soumettre à son ascendant étaient autant de circonstances en sa faveur. Il se regardait comme jouant un coup de désespoir et il avait monté toutes ses facultés à proportion de l'intérêt de la partie. Débarrassé d'abord de tous les bourdons qu'il avait assaillis, il se mit à traverser la salle en long et en large d'un air de maître, et après avoir lancé de tous les côtés des regards sombres et courroucés, il rompit le silence. S'il y avait quelque personne qui eût quelque chose à lui dire, il saurait lui répondre en temps et en lieu convenable. Toutefois, il conseillait fort à cette personne de bien prendre garde à ce qu'elle allait faire. Si c'était de lui personnellement qu'on eût à se plaindre, à la bonne heure. Mais il s'attendait bien qu'il n'y avait là personne qui eût assez peu de discrétion et de savoir-vivre pour se mêler d'affaires qui ne le regardaient pas et pour s'immiscer dans des intérêts particuliers de famille. Ces paroles ayant l'air d'un défi, différentes personnes s'avancèrent pour y répondre. Celui qui était le premier commença à parler, mais M. Tyrell, par l'expression de sa contenance, par un ton tranchant, par des mots jetés à propos, par des interruptions adroitement placées, le mit dans le cas d'hésiter d'abord et de finir par se taire. Il avait l'air de marcher à grands pas au triomphe qu'il s'était promis. Toute la société était dans l'étonnement. On sentait toujours la même aversion pour sa personne et la même horreur pour son caractère. Mais on ne pouvait s'empêcher d'admirer l'audace et les ressources qu'il déployait dans cette conjoncture. L'indignation générale qu'il excitait ne demandait qu'à éclater, mais on avait besoin d'un chef. Ce fut dans ce moment critique que M. Falkland parut dans la salle. Le pur hasard l'avait ramené plus tôt qu'il n'était attendu. M. Tyrell et lui rougirent tous les deux à la vue de l'un de l'autre. Après une pause d'une minute, celui-ci s'avança vers M. Tyrell et lui demanda, d'une voix imposante, ce qu'il venait faire ici. « Ici ? Que voulez-vous dire par là ? « J'ai autant de droit d'être ici que vous, et vous êtes le dernier à qui je daignerai rendre compte de ce que j'ai à faire. »« Monsieur, vous n'avez aucun droit d'être ici. Ne savez-vous pas que vous en avez été exclu ? Quels que puissent être vos droits, il n'en est pas que votre infâme conduite ne vous ait fait perdre. »« Monsieur, si vous avez quelque chose à me dire, il faut choisir un temps et un lieu plus propre pour cela. Est-ce que vous croyez, à la faveur de la compagnie qui vous soutient, me faire supporter vos airs querelleurs, je ne les souffrirai pas, je vous en avertis. » Vous vous trompez, monsieur. Un endroit public comme celui-ci est le seul où je puis avoir quelque chose à vous dire. Si vous ne voulez pas être témoin de l'indignation générale qui s'élève contre vous, ne venez pas dans la société des hommes. Inhumain, impitoyable tyran, songez à Miss Melville. Pouvez-vous entendre prononcer ce nom et ne pas rentrer sans pied sous terre? Pouvez-vous trouver une solitude où son ombre sanglante ne vienne vous poursuivre? Pouvez-vous penser un moment à ses vertus, à sa pureté, à son innocence, à la candeur de son âme, sans être dévoré de remords? N'est-ce pas vous qui l'avez assassinée à la fleur de son âge? Pouvez-vous soutenir la pensée qu'elle n'est plus qu'un cadavre insensible, cette victime de votre malice infernale, celle qui méritait une couronne 10 000 fois plus que vous ne méritez de vivre? Et vous flattez-vous que jamais on oublie ou qu'on pardonne un forfait aussi atroce? Fuis, fuis, méchant, regarde-toi trop heureux encore qu'il te soit permis d'éviter l'aspect des hommes. Eh bien, vois quelle misérable figure tu fais en ce moment. Si les cris de ta propre conscience ne se joignaient pas aux reproches qu'on t'adresse, il n'y aurait rien capable de faire reculer un méchant aussi endurci que toi dans le crime. Et serais-tu assez insensé pour croire que ton audace et ton obstination pourront jamais amortir les traits qui te poursuivent? Va-t'en, fuis, malheureux, reste avec toi-même, pour ton supplice, va-t'en, et ne nous empoisonne plus de l'air que tu respires. » À ces mots, qu'il croirait, M. Tyrrell obéit à la voix impérieuse qui tonnait contre lui. Ses yeux étaient effarés et pleins d'horreur. Un tremblement convulsif s'était emparé de tous ses membres et avait glacé sa langue. Il ne se sentait pas la force de braver ce torrent impétueux de reproches et d'invectives. Il hésitait. Il était honteux de sa défaite. Il aurait voulu la disputer. Mais tous ses efforts étaient vains. Ses forces expiraient à chaque nouvelle tentative. La voix générale s'éleva bientôt pour aider à l'accabler. Plus sa confusion devenait sensible, plus le cri universel d'indignation augmentait, jusqu'à ce que par degrés, il vint à croître, comme le bruit d'une mer orageuse. À la fin, hors d'état d'endurer plus longtemps le tourment de sa situation, M. Tyrrell se retira de lui-même. Il n'y avait pas une heure et demie d'écoulée qu'on le vit reparaître. On n'avait pris aucune précaution contre un pareil incident, qui était la chose du monde à laquelle on s'attendait le moins. Dans l'intervalle, il s'était enivré de vin et de liqueur. En un clin d'œil, il fut sur M. Falkland, qui était debout dans un des coins de la salle, et d'un coup de son bras nerveux, il l'étendit à terre. Celui-ci ne fut pas cependant étourdi du coup, et se releva aussitôt. Il était aisé de sentir combien il était inférieur dans une lutte de cette espèce. À peine fut-il relevé que M. Tyrrell lui reporta un autre coup. M. Falkland était sur ses gardes et ne tomba point, mais les assauts de son adversaire redoublèrent avec une rapidité et une vigueur inconcevables. M. Falkland fut encore jeté par terre une seconde fois. Quand M. Tyrrell vit son ennemi renversé, il le foula aux pieds et se baissa comme pour le saisir et le traîner sur le plancher. Tout ceci fut l'affaire d'un moment et se passa avant que les témoins de la scène fussent revenus de leur surprise. Enfin, on se mit entre deux et M. Tyrrell sortit une seconde fois. Il serait difficile d'imaginer quelque genre d'infortune plus terrible pour l'individu sur lequel elle tombe que le traitement auquel venait d'être exposé M. Falkland. Toutes les passions de sa vie semblaient faites pour lui en rendre le trait le plus cuisant et plus insupportable. Il avait mis en usage à différentes fois toutes les ressources de sa prudence et de son énergie pour prévenir que la mésintelligence d'entre lui et M. Tyrrell n'entraînât de fâcheuses extrémités. Mais en vain. Elle s'était terminée par une catastrophe 1000 fois plus horrible que tout ce qu'il aurait pu craindre, que tout ce qu'eût pu jamais prévoir l'esprit le plus pénétrant. Pour M. Falkland, le déshonneur était pire que la mort. La plus légère apparence d'insulte le perçait jusqu'au fond de l'âme. Que devait-ce donc être de cette scène affreuse où l'ignominie, les humiliations, la publicité se trouvaient compliquées? Si M. Tyrrell lui-même eût pu se faire idée du supplice qu'il infligeait à son ennemi, peut-être, à quelque point qu'il fût provoqué, eût-il hésité dans sa vengeance. Le chaos et le fracas des éléments furieux et en guerre les uns contre les autres donnent à peine une image de la situation d'âme de M. Falkland. Ses tortures étaient telles que tout ce que pourrait inventer la cruauté la plus raffinée eût été méprisable en comparaison. Être anéanti mille fois, être plongé dans un abîme éternel d'oubli et de nullité, était auprès de l'état où il se trouvait presque aussi désirable que la suprême félicité. L'horreur, l'exécration, la vengeance, un désir inexprimable de secouer le mal qui l'accablait, et une conviction désespérante de l'impuissance de ses efforts, telles étaient les furies auxquelles son âme était en proie. Un autre événement termina l'histoire de cette fameuse soirée. M. Falkland perdit le seul moyen de réparation qui put encore lui rester. M. Tyrrell avait été tué à quelques pas du lieu de l'assemblée et fut trouvé mort dans la rue par des personnes de la compagnie.